Dans le rap game, je suis David Copperfield. Les MC bâtards ont tous le flow de Jimmy Somerville. Si du sang se répand dans ta rue, c'est du street kim. Oussama est mort grâce à la Steel Team. Je suis un crado, désolé pour vous si je pue la gueule. Violent est ma parole quand je parle, alors ferme ta gueule. On m'a demandé si je voulais me faire interner, mais Papa Cisco ferait pire que de cracher un verset. Je marche sur mes pas comme je marche sur mes gardes. Je rappe sur mes états d'âme comme je crache sur l'état. Ma signature vocale reste ma marque unique. Un jour tu me verras contrôler l'argent à Zurich. Oh les gars, faut que je me tire, j'ai les crocs, nègre. Je veux finir Big Box comme collègue. J'ai besoin d'une clope, je fonce au tabac. Si je casse la baraque, j'ai la carreur d'Obama. Illuminati, you never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be. Le rap français est à mes pieds, je lui fais sucer ma bite. Combien d'entre vous rêvent de buter ma vie? Avant de me tacler, achète-toi des protèges tibia. Je veux pas devenir la relève de Mohamed Zia. Je rappe safe car je me définis comme le meilleur. Va brûler ta country à la John Mayer. Pas besoin de jouer le Rambo pour être le boss du rap game. Au tapis tu restes dans le coma quand ça saigne. Hendek, Cisco est là, remballe ton Beretta. Arrête de te marrer, on dirait Carmen Electra. Je domine le monde comme dans Pro Evolution Soccer. T'as gagné la médaille des bolos à Pro Evolution Soccer.